بسم الله الرحمن الرحيم. نخوض الآن المسألة 39. 39e مسألة. Toujours dans سورة آل عمران. قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Que les croyants ne prennent pas les mécréants en alliés en dehors des croyants. Surat Al-Imran, verset 28. Qala Al-Allama Muhammad Al-Amin Shanqiti, rahimahullah ta'ala. Hadhi l'ayatul karimatu tuhimu anna ittikhaz al-kuffar awliya idha lam yakun min duni al-mu'minin la'abasa bihi bidalil qawli ta'ala min duni al-mu'minin. Donc ce verset donne l'impression que le fait de prendre les koufars en tant qu'alliés, tant que cela n'est pas en dehors des croyants, que cela ne contient pas de mal. Comme il dit, min duni al-mu'minin. Qal wa qad ja'at ayatun ukhar tadullu ala man ittikhaz awliya من اتخاذهم أولياء مطلقا كقوله تعالى ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Et d'autres versets sont venus démontrant qu'il n'est pas permis de les prendre en tant qu'alliés dans l'absolu. Comme dans sa parole où il dit et ne prenez pas, c'est-à-dire des mécréants, d'alliés ni de secoureurs. Sourate An-Nisa, verset 89. وكقوله لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. Qu'il a dit également, subhanahu wa ta'ala, dans le sens, et ne prenez pas ceux qui ont pris votre religion en raillerie et en jeu, parmi ceux qui ont lu le livre avant vous, ainsi que les kuffars, les mécréants, comme alliés. Ne le prenez pas comme alliés. Surat Al-Ma'ida, verset 57. والجواب عن هذا أن قوله من دون المؤمنين لا مفهوم له. Donc la réponse c'est que le fait qu'il les dise en dehors des croyants, c'est une chose qui n'a pas de mafhum, c'est-à-dire qu'on n'en tire pas un jugement. À l'exemple qu'on pourrait vous donner, مثلاً, pour comprendre le معنى de la مفهوم له, fait qu'on lit la عَزَّ وَجَلَّ, lorsque Allah il dit à son messager, par rapport aux kuffar, استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. Qu'il est dit que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas ou que même tu le demanderais 70 fois, Allah ne leur pardonnera jamais. Donc là, le fait qu'il ait dit 70 fois, la mafhuma lahu, ça ne veut pas dire que s'il le fait 71 fois, ça va être accepté. C'est pour dire, en fait, c'est un nombre dont on ne tire pas une limite. Pour dire, en fait, même si tu le fais de façon nombreuse, multiple, Allah ne leur pardonnera jamais. Donc là, c'est pareil. Le fait d'avoir pris les kuffars en tant qu'alliés, que ce soit en dehors des croyants ou pas, que cela n'est pas permis. Donc, min duni al-mu'minin, la mafhuma lahu. Donc là, après, il cite justement une règle par rapport à cela qui sera un peu dure à traduire et également expliquer pour des gens qui n'ont pas déjà acquis des bases dans la science de usul. Al-muhim, à retenir que ce terme-là, et dans le Coran, il y en a d'autres. Yuqal, la mafhuma lahu. Il y a des choses, il y a des termes, on en tire la règle, et d'autres, il n'y a pas à en tirer une règle en particulier par rapport au terme employé. Naam. Fabi adal kod naktafi, wa nakul subhanaka wa bihamdik, la ilaha lanta astaghfiruka wa atubu ilayk.